Section 13. Livre 2, chapitre 6 à 10. Chapitre 6. À travers Tokyo. Il faut nous arracher à nos contemplations artistiques. L'heure avancée nous rappelle que l'homme ne vit pas seulement de sensations intellectuelles. Il faut aller déjeuner. Nous traversons les temps sacrés sur le petit pont de pierre et nous nous engageons sur les hauts ombrages de Shiba. On appelle ainsi un parc montagneux, accidenté par des vallons sombres, des pentes abruptes et des futaies immenses. Temples colossaux, tours sacrées, chapelles dorées, tombeaux de bronze, ornent ce lieu pittoresque, particulièrement affectionné par le troisième shogun de la dynastie d'Ieyasu, Iemitsu, 1624, qui sut y déployer avec succès sa passion pour les monuments luxueux. Mais nous n'avons pas le temps d'admirer ces merveilles. Nous laissons le massif boisé sur la droite et nous suivons à gauche un sentier où l'on dirait qu'il fait nuit, tant les ombres épaisses projetées par les arbres plusieurs fois séculaires font opposition avec la lumière éclatante d'où nous sortons. Le sentier aboutit à une sorte de carrefour planté d'énormes peupliers itchō dont la feuille a la forme d'un éventail. Là, nous trouvons des jinriki dont les jambes rapides nous entraînent au centre de la ville où nous espérons faire connaissance avec quelques restaurants, fût-il indigène. Nos hommes entreprennent à travers les quartiers les plus populeux une de ces courses folles que connaissent seuls les cabs de Londres, les ânes du Caire et les jinriki de Tokyo. Comme il fait très chaud et qu'il est midi, les boutiques sont généralement voilées d'étoffes sombres, découpées en larges lanières verticales et agrémentées de grands caractères blancs. Quelquefois le rideau est une grande frange de rotin jaune sur lesquels les caractères ressortent en noir. Au cri de nos tireurs de voitures, les promeneurs se mettent subitement à l'écart pour nous laisser passer. Et si la rue est étroite, la foule se réfugie dans les boutiques, disparaissant à moitié derrière les rideaux, dont les lanières laissent entrevoir des visages étonnés, mais toujours souriants. Enfin, nous arrivons au quartier nouveau, dans la grande rue de Ginza, construite à peu près à l'européenne et plantée de deux maigres rangées d'arbres minuscules et poussiéreux, afin d'imiter le boulevard des Italiens. Là se trouve un restaurant français fort convenable. Après le repas, nous reprenons nos voitures et nous enfilons la longue rue qui se déroule indéfiniment à travers la ville, mais en perdant à partir du pont Kiyobashi son aspect européen. La voie continue à la japonaise sous le nom de Nihonbashi Dori, ornée à droite et à gauche de boutiques bien garnies. Bronze, livres, faïences, étoffes, jouets, antiquités, les étalages se succèdent, tantôt sombres, tantôt brillants, et cette rue interminable ne cesse d'offrir aux chalands les produits les plus variés et les plus attrayants de l'industrie japonaise. Nous nous arrêtons un moment devant les magasins de Mitsui, où se vendent les étoffes du pays. Depuis le kimono de coton teint à l'indigo jusqu'au riche fukusa en soie brodée. Le service est fait par de petits garçons qui répondent d'une voix glapissante aux ordres qu'on leur donne. Cela fait comme un pépiment incessant de jeunes oiseaux et les lourds barreaux de bois qui entourent l'habitation du côté des cours complètent la volière. Nous remontons en voiture. Les jinriki reprennent leur vol à travers la foule animée. Les boutiques défilent devant nous comme dans un rêve. On ne comprend vraiment pas qui peut acheter tant de choses. Nous traversons encore un pont, Megane Bashi, le pont de la lunette, à cause des deux arceaux ronds qui le supportent. Et les étalages continuent à faire la haie des deux côtés de la rue. Cette revue des boutiques finit enfin, la voie s'élargit, devant nous se dressent de vastes escaliers qui montent et s'enfoncent dans la verdure immense. Nous sommes arrivés au jardin sacré d'Ueno. Encore un endroit ravissant où Iemitsu, le shogun constructeur, a laissé les traces de ses magnificences. Mais hélas, là, comme à Shiba, le temple principal a été brûlé, à Shiba par l'intolérance il y a 6 ans, à Ueno par la guerre civile il y a 10 ans. Chapitre 7. Ueno. Nous gravissons quelques marches qui nous amènent sur une vaste plateforme ombragée. C'est l'emplacement du temple brûlé. Ce temple servait d'habitation au Miya de Miko. C'est pour s'emparer de sa personne qu'on mit le feu au temple en 1868. Or, qu'est-ce donc que c'était que le Miya de Miko? C'était presque l'empereur, disent les uns, c'était un otage, disent les autres. C'était un descendant des dieux, mais un prisonnier, un homme vénéré, mais un nantissement, le frère de l'empereur confisqué par le shogun. Un usage fortement établi voulait que les frères du Mikado entrassent en religion. Ils devaient se faire raser la tête et se vouer au célibat. On avait trouvé que de simples mortels étaient indignes d'épouser de tels personnages qui avaient dans les veines un sang divin. Et pour éviter ces contacts immondes que Jupiter ne dédaignait pas, on mettait le dieu au couvent. Par la même occasion, on supprimait toutes ces branches cadettes, toujours gênantes en politique. Ieyasu, le shogun centralisateur, pensa que cette pratique était bonne, mais il voulut la rendre meilleure. Ce n'était pas assez d'avoir annulé le Mikado en le séquestrant dans son Olympe de Kyoto. Il voulut avoir sous la main un répondant, et sous prétexte d'honorer le frère de l'empereur, il le nomma Miya de Miko, et l'envoya en exil sacré dans les montagnes du Nord. Miya signifie à la fois temple et prince du sang. Par cette assimilation, l'homme devient sanctuaire. Iemitsu, le petit-fils d'Ieyasu, était grand amateur de religion et grand bâtisseur d'églises. Le shintoïsme et le bouddhisme avaient simultanément ses faveurs. Le plus beau temple de Nikko et le grand temple d'Asakusa furent construits par son ordre, de même que le grand temple d'Ueno et le grand temple de Shiba étaient son ouvrage. Il eut pitié du Miya de Miko, abandonné dans un petit village des montagnes. Il le fit venir près de lui à Ueno, ce qui avait le double résultat de sanctifier la capitale en y amenant un saint personnage et de consolider sa politique en gardant à vue l'otage impérial. Car Iemitsu avait une politique, et même une politique assez raide. Quand, à la mort de son père, il prit possession du shogunat, il assembla les daimyos qui étaient ses égaux et leur dit « Messeigneurs, la place est vacante. Si quelqu'un d'entre vous a ce désir étrange d'aspirer au shogunat, il le peut en toute liberté, mais je le préviens que je m'y opposerai par la force des armes. » À cette offre obligeante, chacun s'empressa de décliner l'honneur de succéder au fils du grand Ieyasu. Un des seigneurs, pour entraîner la majorité, qui d'ailleurs n'était pas douteuse, déclara qu'il se chargeait de châtier ceux qui seraient d'un avis contraire à la motion du président de l'Assemblée. Cette manière de consulter les grands du royaume eut le succès qu'en attendait Iemitsu. Il fut élu shogun. Et pour consacrer son autocratie, il encouragea la dévotion sous toutes ses formes, éleva des temples superbes et combla de faveurs les prêtres des sectes les plus diverses. Lorsqu'arriva au Japon la révolution singulière qui jeta ce pays dans la voie du progrès européen, lorsque le Mikado réclama des successeurs d'Iemitsu les pouvoirs qu'il avait usurpés, on eut la singulière idée de faire jouer au grand prêtre de Nikko et d'Ueno un rôle contraire à son origine impériale. On le mit en opposition avec l'empereur, son parent. Le taïkun Tokugawa Keikeiki venait de faire sa soumission au Mikado. 250 de ses fidèles mirent à leur tête le Miya de Ueno et se fortifièrent dans le grand temple, prêts à subir l'attaque. Les troupes impériales, pour éviter de combattre un prince du sang, eurent recours à l'incendie, espérant faire fuir les rebelles de l'enceinte sacrée, les combattre facilement et s'emparer du prince. Mais tous échappèrent avec beaucoup d'adresse et se retirèrent, sous la conduite du Miya, dans la province de Mutsu, où ils subirent un siège dans le château d'Aizu. Les uns furent tués, les autres se rendirent, le prince fut pris sain et sauf. 2 ans après, on l'envoyait à Berlin faire ses études militaires. Il n'avait que 21 ans. Voilà pourquoi nous ne voyons que l'emplacement où fut le temple. On a construit un monument funéraire élevé avec l'autorisation du gouvernement à la mémoire des rebelles tués. C'est un trait caractéristique du japonais d'honorer le dévouement au prince, même chez des ennemis, et ceux qui ont combattu l'empereur pour obéir à leur chef sont donnés en exemple par l'empereur lui-même. Sur la droite, des maisons de thé, placées au bord du glacis verdoyant, dominent des jardins particuliers et laissent la vue s'étendre sur la ville jusqu'à la mer. Des avenues larges et gazonnées donnent des perspectives infinies à travers les futaies immenses et touffues. Des groupes de Japonais se reposent à l'ombre. Pour obtenir plus de fraîcheur, les légers vêtements ont été mis de côté et donnent sur la verdure où ils sont étendus des notes vives, blanches et bleues. Les vers des géorgiques vous reviennent en mémoire, l'idylle est prise sur le fait et l'on se croirait transporté dans quelque tibur gigantesque à la végétation invraisemblable. Au détour du chemin, des murailles de temples bordées de plusieurs rangs de lanternes de pierre nous rappellent que nous sommes dans un parc bouddhique, un lucus oriental. La muraille, couverte de mousse, s'étend au loin ornée çà et là de groupes de toros en pierre, lanternes sacrées offertes par les daimyos. Trois portes très espacées donnent accès dans les cours qui sont derrière. À chaque porte correspond un temple, et derrière les temples sont les tombeaux de sept shoguns. Les bonzes ne sont pas là pour nous faire les honneurs de leur riche sanctuaire, et nous n'avons pas le temps de les attendre. Nous reprenons notre marche sous les frais arbres, dont le feuillage varié, sombre ou clair, maigre ou touffu, tortueux ou retombant, ne lasse pas un moment notre admiration. Les vieux cèdres aux branches zigzaguées comme un éclair noir se détachent sur les arbres argentés et cotonneux, les bambous élégants laissent entrevoir des groupes de pruniers à fleurs roses, sans fleurs hélas pour le moment, et les vastes peupliers abritent des taillis de camélias bronzés. Laissant à gauche le temple dédié au canon de Kiyomizu, monument qui émerge au printemps des touffes de cerisiers blancs, nous entrons dans l'avenue qui mène au temple d'Ieyas. À droite et à gauche, des taureaux en bronze, en pierre, des cuves servant de bénitiers, des poteaux à inscriptions, d'autres qui, les jours d'illumination, portent d'énormes lanternes de papier, tout cela est très meublant et anime l'entrée. Un torii sacré, arc de triomphe en pierre, est à l'entrée de l'avenue, et sur la droite, on voit une grande tour à cinq toits superposés. Au-dessus de la porte d'entrée, on a placé une grosse corde en paille de riz, d'une forme particulière. C'est un emblème shintoïste. Le temple a plutôt l'aspect d'un temple bouddhiste. Il y a autour des bas-reliefs en granit qui représentent des animaux fort bien rendus. Dans un coin, en redescendant vers l'entrée du parc, on nous montre une petite chapelle qui contient une énorme statue. La façade est grillée et laisse voir le Bouddha en cage, encombré d'ex-voto. Évidemment, la maison a été construite pour le dieu, mais l'architecte semble avoir mal pris ses mesures. C'est plutôt un manteau qu'un temple. Chapitre 8. Histoire de la belle pâtissière. À travers les grands arbres, la vue s'étend sur la ville entière qui apparaît comme un océan de toits noirs avec des îles boisées formées par les collines sacrées où sont les principaux temples. À nos pieds, dans la plaine, est un petit lac couvert de grands lotus dont chaque fleur ressemble à distance à une tasse de thé en faïence rose. Sur une petite île toute ronde est placé un temple de Benten, la déesse protectrice des amours, une des sept divinités qui porte bonheur. Sur le bord du lac, une maisonnette, noyée dans un jardin fleuri, a été le théâtre d'une histoire intéressante que je m'en vais vous dire. La maisonnette était habitée autrefois par deux jeunes époux, d'une assez bonne famille bourgeoise, mais sur lesquels les parents avaient jeté le terrible kando. C'est la malédiction paternelle dans toute sa rigueur, avec expulsion de la maison, retrait d'héritage, etc. Le couple maudit vint se réfugier au bord de l'étang sacré et se mit sous la protection bienveillante de Benten. Le mari savait faire les sempé, petits gâteaux fort délicats, et il s'improvisa pâtissier pour gagner sa vie. Mais l'affreux kando pesait toujours sur les malheureux époux dont l'union restait stérile. Et pourtant, tous les jours, ils allaient au petit temple du lac déposer une offrande de sempé et faire leurs prières. Enfin, à force de supplications, la déesse se laissa toucher et la jeune femme devint mère d'une charmante petite fille. L'enfant grandit peu à peu et atteignit une beauté surhumaine. C'était plus que la grâce, c'était un charme indéfinissable, étrange. Un de ces types nobles et séduisants qui effraient et attirent, qui dominent et passionnent, créatures fatales qu'on adore à genoux et dont l'amour fait mourir. À ses attraits du corps, la jeune fille joignait un caractère parfait et une intelligence des plus vives. Inutile de dire que, sous prétexte d'acheter des gâteaux, tous les jeunes gens d'Yedo encombraient la modeste boutique de la belle pâtissière. Les rues de la ville retentissaient d'une chanson qu'on avait faite pour elle. Assise, c'est la pivoine herbacée, debout, c'est la pivoine en arbre, quand elle marche, c'est le lotus. La vertu de la jeune fille paraissait beaucoup souffrir de tous ces empressements. Aussi demandait-elle souvent à ses parents de la dispenser de figurer au magasin. Jamais on ne mangea tant de sempé dans la capitale des shoguns. Sous toutes sortes de prétextes, les jeunes amoureux accouraient à Ueno et se ruinaient en pâtisserie. Quelques-uns arrivaient couverts d'habits somptueux, d'autres s'enfarinaient comme des femmes et mettaient du rouge, de plus adroits faisaient les beaux esprits, mais les uns et les autres n'obtenaient d'autre faveur que de recevoir des mains de la belle un élégant paquet de gâteaux qu'ils emportaient en chantant « Je n'ai pas respiré l'odeur de la fleur du prunier, mais j'ai vu la fleur ». Peu à peu, la jeune fille devint morose et attristée au milieu de toutes les joies qu'elle faisait naître. Au lieu de répondre avec enjouement aux joyeux propos de ses adorateurs, elle se renferma dans la mélancolie et le silence. Elle recherchait la solitude et fuyait même ses parents. Elle s'accroupissait dans quelque coin sombre et y restait pensive des heures entières. Les maisons japonaises ont dans la partie la plus reculée un salon de réception où d'ordinaire les habitants ne se tiennent pas et que l'on réserve pour les visiteurs ou les étrangers. La maisonnette de Ueno avait une petite chambre pour cet usage, et c'était presque toujours là qu'on trouvait la jeune pâtissière en quête de solitude. Les yeux attachés sur les fleurs de l'étang, elle paraissait abîmée en une secrète contemplation. Ses parents étaient fort contrariés de cette tendance d'esprit, et ils pensèrent que la tristesse de leur fille venait de quelque chagrin d'amour. Il était impossible que parmi les beaux et gais jeunes gens qui venaient assidûment faire emplette de gâteaux, il ne s'en fût pas trouvé un qui eût fait battre le cœur de la jeune fille. Mais ils pensèrent que sans doute son choix s'était porté sur quelque garçon indigne ou sur quelque fils de grande famille, et que la tristesse de leur enfant bien-aimé venait de ce qu'elle s'était laissée dominer par un amour sans espérance. Or, les pauvres parents avaient eux-mêmes passé par ces épreuves. Ils avaient tout sacrifié pour s'unir. Ils se promirent bien de surmonter toutes les difficultés pour faire le bonheur de la jeune fille. Il fut convenu que la mère se chargerait d'obtenir des aveux de sa fille et de débrouiller tout ce mystère. Elle prit donc à part la belle pâtissière. « Tu sais, lui dit-elle, combien nous t'aimons. Tu es notre joie et notre richesse. Tu es notre ange domestique, et c'est à toi que nous devons la sainteté de notre maison, car une déesse est intervenue pour te faire naître. Tu dois à nous, tu dois à la divine Benten, de ne pas marcher dans la voie des chagrins. Un mystère t'attriste et t'affaiblit. Ce mystère, nous l'avons deviné. Tu aimes. » Puis elle sollicita ses confidences. Elle expliqua à sa fille qu'elle subissait la loi commune et qu'elle trouverait chez ses parents l'indulgence la plus grande. La belle pâtissière, qui avait d'abord écouté, les yeux baissés et la tête penchée, se mit à fondre en larmes, certifia qu'elle avait horreur de l'amour et, se levant d'un air choqué, quitta brusquement la chambre. La bonne mère fut assez désappointée et prit le parti de surprendre un secret qu'on ne voulait pas lui livrer. Une nuit, elle crut entendre du bruit. Elle se leva et vit sa fille qui disparaissait par la porte de la petite cour. Elle n'eut rien de plus pressé que d'avertir son mari, et tous deux furent d'accord que la nuit suivante, ils se tiendraient en embuscade et suivraient leur fille qui, sans doute, allait toutes les nuits à quelque rendez-vous d'amour. Chapitre 9. Où le dragon montre la griffe. Le soir même, le couple ému, au lieu de se coucher, se mit en observation derrière les écrans à coulisses qui séparaient leur chambre de celle de la jeune fille. Écartant un peu les panneaux mobiles, ils attendirent en contemplant la gracieuse enfant dans son sommeil. Une grande lanterne en papier de forme carrée était posée à terre et projetait dans tout l'appartement la douce lumière de la petite lampe qu'elle contenait. La jeune fille avait les bras passés dans la lourde robe de chambre ouatée que l'on met sens devant derrière pour avoir chaud à la poitrine et qui sert à la fois de vêtements et de couverture. Elle avait la tête soutenue par le makura, rectangle de bois qui sert d'oreiller et qui a l'avantage d'éviter la chaleur à la tête, de supprimer, sous peine de choc violent, les agitations du rêve et enfin de permettre aux femmes de dormir sans détruire l'édifice compliqué de la coiffure japonaise. Au-dessus de la tête de la dormeuse, un vase de fleurs pendu en biais à un poteau contenait une branche de chrysanthème violet. À un autre poteau, une cigale prisonnière dans une cage de jonc lançait périodiquement son cri rythmé en crescendo. Dans une encoignure de la chambre, au fond d'une niche formée de montants en bois brut et de frises sculptées à jour, on apercevait vaguement dans l'ombre une image de Benten victorieuse montée sur un dragon blanc. Tout d'un coup, la jeune fille se leva, rejeta son kimono ouaté, prit ses habits de ville et, poussant doucement un des écrans de la chambre, disparut. Elle se trouvait cachée dans l'étroit corridor qui séparait l'appartement de la clôture en volet qu'on ferme le soir et dont les panneaux sont ramenés le jour dans une sorte d'armoire à coulisses. Les parents entendirent le parquet craquer sous ses pieds nus, puis ils reconnurent qu'elle enlevait le verrou de bois qui fermait les volets, qu'elle faisait glisser un des volets dans la rainure et qu'elle mettait à ses pieds les petits bancs de bois qui servent de chaussures aux Japonais. Le couple inquiet se mit à suivre avec précaution la belle pâtissière. Il la vit traverser le jardin sur les petits blocs de rochers qui servaient de chemin au milieu des fleurs et des ruisseaux, ouvrir la légère porte de bambou et s'éclipser dans le sentier ombreux qui suivait le bord du lac. Le temps était brumeux, on était à la fin de l'automne, ce n'était plus cette époque charmante au Japon où la lune brillante se lève énorme derrière les érables aux feuilles pourpres. L'année était avancée, les feuilles s'étaient séchées et faisaient sous les pieds un bruit de papier froissé. La lune était voilée et donnait au paysage une teinte vague. Les parents suivaient la jeune fille qui marchait d'un pas rapide et semblait ne plus toucher la terre. Son corps harmonieux glissait à travers les bosquets et c'était plutôt une hirondelle au printemps qu'une femme. Elle arriva bientôt en face de l'île de Benten, franchit le petit pont de pierre qui rattache l'île au rivage et après avoir dépassé la chapelle, s'avança résolument sur les eaux du lac. Les deux époux s'arrêtèrent, saisis d'effroi, et poussèrent un cri. Quelle ne fut pas leur stupeur lorsqu'ils virent une fumée pâle sortir du lac et leur fille, leur propre fille, se transformer en dragon blanc. La lune augmenta sa clarté et la déesse Benten elle-même apparut montée sur le dos du dragon. « Ne vous étonnez point, dit-elle, de voir que ce dragon est votre fille. » Touchée de votre piété et de vos malheurs, j'ai voulu vous donner un témoignage de ma bienveillance. Mais il est temps que ce maître des eaux du lac retourne dans sa demeure. Vous avez été bon, aimant, pieux. Vous serez heureux. » Et la déesse disparut en compagnie du dragon. Les mauvaises langues prétendirent que la belle pâtissière s'était simplement noyée par suite d'un amour contrarié. Mais tous les gens raisonnables d'Yedo savent bien que, lorsque les vapeurs s'élèvent la nuit au-dessus du lac d'Ueno, et que, poussées par le vent d'automne, elles ondulent et s'avancent rapidement le long des touffes de bambou, c'est le dragon blanc de Benten qui se promène. Ils savent aussi que ce dragon a le pouvoir de s'incarner et de prendre des formes humaines, mais que s'il se présente sous l'aspect d'une jeune fille et qu'on ait l'imprudence de lui parler d'amour, il reprend subitement sa forme primitive. Tout cela est bien connu, et les mauvaises langues en sont pour leurs frais d'imagination. Quant à nous, émus de ces récits singuliers, nous prenons prosaïquement le chemin de fer qui nous ramène à Yokohama. Chapitre 10. Chez un Japonais. Notre ami Matsumoto nous avait dit « Venez me voir à Tokyo. Je vous montrerai la ville, je vous ferai visiter le temple d'Asakusa avec ses jardins sacrés animés par des boutiques, des saltimbanques, des montreurs de curiosités, des marchands de fleurs, des marchands d'oiseaux, des tirs à l'arc tenus par de jolies filles, des théâtres, des cimetières, des maisons de thé et des chapelles. Je vous mènerai à Shiba, où l'on voit des temples en lac d'or, des arbres immenses et les sombres tombeaux de bronze des shoguns. Je vous ferai visiter les marchands de bric-à-brac et la ville en est pleine. Je vous dévoilerai les secrets des restaurants japonais où l'on trouve quelquefois à manger et toujours d'excellentes musiciennes et de charmantes danseuses. Tout ce programme nous avait rendus rêveurs. Et depuis notre arrivée à Yokohama, nous ne songeons qu'au moyen d'aller voir au plus vite notre ami Matsumoto. Ce jeune japonais a fait avec nous la traversée de San Francisco au Japon. 23 jours de mer contribuent à lier les hommes. Il se trouve que cet étranger, que le hasard a jeté dans les cabines de notre bateau, est notre ami. Il a fait aux États-Unis des études sérieuses, il revient avec un brevet d'ingénieur américain. Ce n'est pas sans quelques difficultés que nous trouvons sa maison. Heureusement, les Jinriki sont intelligents, et notre manière de parler, ou plutôt de ne pas parler japonais, leur suffit pour nous mener d'abord dans la grande rue de Ginza, puis, après avoir traversé un pont, pour nous conduire à travers les godons qui bordent le canal jusqu'à l'habitation que nous cherchions. Matsumoto est chez lui. Il vient nous recevoir dans la cour d'entrée, mais dès les premiers mots, sa figure trahit un visible embarras. Nous voilà nous-mêmes assez gênés. Est-ce que cette amitié qu'il nous avait témoignée à bord devait cesser sur la terre ferme? Est-ce que nous venons le surprendre dans un mauvais moment? Est-ce que... Rien de tout cela. Matsumoto se demande inquiet comment il pourra nous recevoir dans ses appartements sans nous faire ôter nos souliers, ou pour mieux préciser la question, il se demande comment il nous fera ôter nos souliers afin de pouvoir nous faire entrer chez lui. Car les maisons japonaises sont d'une telle propreté que la moindre chaussure boueuse ou poussiéreuse ferait tache et gâterait tout. La natte moelleuse, étendue dans toutes les pièces, sert à s'asseoir, à manger, à dormir, il faut qu'elle soit toujours irréprochable, et la visite d'Européens qui entrent tout beauté dans ces cases proprettes cause à l'indigène une pénible sensation. Pourtant Matsumoto se risque. « Voulez-vous me faire l'amitié d'entrer ?»« Mais certainement. » « Est-ce que cela vous ennuiera de quitter vos bottines ?»« Du tout, au contraire, avec grand plaisir. » On nous avait prévenus. Et voilà la figure de notre hôte qui s'épanouit. Franchement, ceux qui se privent de la joie d'être agréables aux Japonais en n'acceptant pas ces petits détails de mœurs ont bien tort. Désarmés de nos chaussures, nous gravissons un petit escalier de bois étroit et raide. Chaque marche est vernie, luisante, comme une boîte de lac. Matsumoto nous reçoit dans une chambre immense, entièrement ouverte de deux côtés. Voyant notre étonnement de la dimension inusitée de cette pièce, il nous fait observer qu'elle se compose d'une douzaine de chambres dont on a enlevé les cloisons à coulisses afin d'établir des courants d'air. La chaleur de la saison est admirablement combattue par ce procédé fort simple qui consiste, comme on voit, à supprimer les murs de l'habitation. Quelques frises à jour indique ça et là, contre le plafond, les séparations des appartements et révèle le plan de la maison lorsque les cloisons sont placées. Par les vastes ouvertures, à travers des galeries découpées, la vue s'étend sur des jardins et sur un canal qui tourne gracieusement et laisse voir en face ainsi qu'à gauche des perspectives sans fin de ces magasins en forme de château fort que les Anglais appellent « godowns ». Ces constructions percées de rares meurtrières sont formées d'une sorte de pisée gris qu'on dit un combustible. Les toitures bizarrement contournées en accolade sont accusées par des bourrelets de tuiles noires, vernies et brillantes, qui forment sur le ciel des festons énergiques et irréguliers. Dans ces magasins, que le canal dessert de la façon la plus commode, les riches négociants de Tokyo accumulent leurs approvisionnements et leurs trésors commerciaux. La pièce où nous nous trouvons n'a pas un seul meuble. Dans un renfoncement se trouve seulement un superbe vase en vieux shizen. C'est là tout le mobilier. Aussi, on nous offre de nous asseoir par terre. Une vieille servante nous apporte le shibashi, d'abord, petit brasero de faïence, flanqué d'un tube de bambou sur lequel on frappe la pipe pour en faire tomber les cendres. Puis, elle apporte du thé dans une toute petite théière qui suffit à peine à alimenter trois tasses microscopiques. Elle revient enfin une troisième fois pour nous offrir des petits gâteaux, fort bons vraiment, que nous essayons vainement de saisir avec les baguettes de bois qu'on nous met aux mains pour cet usage. Tout cela est charmant, mais nous ne serions pas fâchés de voir réaliser les projets d'excursion à travers la ville dont nous a parlé notre hôte. Matsumoto comprend notre impatience et nous partons tous les trois pour les jardins sacrés du temple d'Askaksa. Fin de la section 13.